Je partis vers la fin de novembre, après 6 semaines ou 2 mois de séjour dans cette ville, où je laissais une douzaine de louis, sans aucun profit pour ma santé ni pour mon instruction, si ce n'est un cours d'anatomie commencé sur M. Fitzmaurice et que je fus obligé d'abandonner par l'horrible puanteur des cadavres qu'on disséquait et qu'il me fut impossible de supporter. Mal à mon aise, au-dedans de moi, sur la résolution que j'avais prise, j'y réfléchissais, en m'avançant toujours vers le pont Saint-Esprit, qui était également la route du bourg Saint-Andéol et de Chambéry. Les souvenirs de maman et ses lettres, quoique moins fréquentes que celles de Madame de Larnage, réveillaient dans mon cœur des remords que j'avais étouffés durant ma première route. Ils devinrent si vifs au retour que, balançant l'amour du plaisir, ils me mirent en état d'écouter la raison seule. D'abord, dans le rôle d'aventurier que j'allais recommencer, je pouvais être moins heureux que la première fois. Il ne fallait, dans tout le bourg Saint-Andéol, qu'une seule personne qui eût été en Angleterre, qui connût les Anglais ou qui sût leur langue, pour me démasquer. La famille de Madame de Larnage pouvait se prendre de mauvaise humeur contre moi et me traiter peu honnêtement. Sa fille, à laquelle, malgré moi, je pensais plus qu'il n'eût fallu, m'inquiétait encore. Je tremblais d'en devenir amoureux, et cette peur faisait déjà la moitié de l'ouvrage. Allais-je donc, pour prix des bontés de la mère, chercher à corrompre sa fille, à lier le plus détestable commerce, à mettre la dissension, le déshonneur, le scandale et l'enfer dans sa maison? Cette idée me fit horreur. Je pris bien la ferme résolution de me combattre et de me vaincre si ce malheureux penchant venait à se déclarer. Mais pourquoi m'exposer à ce combat? Quel misérable état de vivre avec la mère dont je serais rassasié et de brûler pour la fille sans oser lui montrer son manqueur. Quelle nécessité d'aller chercher cet état et m'exposer au malheur, aux affronts, aux remords, pour des plaisirs dont j'avais d'avance épuisé le plus grand charme. Car il est certain que ma fantaisie avait perdu sa première vivacité. Le goût du plaisir y était encore, mais la passion n'y était plus. À cela se mêlaient des réflexions relatives à ma situation, à mes devoirs, à cette maman si bonne, si généreuse, qui, déjà chargée de dettes, l'était encore de mes folles dépenses, qui s'épuisait pour moi, et que je trompais si indignement. Ce reproche devint si vif qu'il l'emporta à la fin.